un gentilhomme physicien, monsieur d'Outremort. Extrait des souvenirs de Madame de la Commandière à la date du 15 juillet 1911. Les journaux du matin ne se privent pas d'épiloguer sur un drame étonnant qui s'est passé hier soir et dont j'ai fort bien connu le héros, un certain marquis Savinien d'Outremort. Il fut mon condisciple à l'école polytechnique où je l'aperçus pour la première fois de ma vie. Nous nous liâmes d'amitié avec assez de promptitude, poussés en ceci par notre commune gentilhommerie, qui n'était pas dans les titres et les noms, comme il arrivait déjà trop souvent, mais dans les croyances, l'air et le sang. Aussi bien, je crois avoir été le seul ami de monsieur d'Outremort. Le nom sépulcral qu'il porte l'avait d'abord désigné à l'éloignement de nos camarades. Sa personne, au surplus, ne provoquait pas les avances. Il était beau, certes, mais singulièrement, d'une beauté à la fois cruelle et archangélique. Sa mine était toujours d'un séraphin courroucé, d'Azraël, en un mot l'ange exécuteur. Il devait garder jusqu'au déclin de l'âge mûr ce visage des faibles et cette expression justicière qu'il offrait à nos yeux de 20 ans. Devenu sexagénaire, il semblait être encore ce qu'il était dans ce temps-là, un jeune homme noir et silencieux. Sans doute faut-il attribuer à la sévérité de ses dehors la déférence inhabituelle et mêlée de crainte qu'il inspira bientôt à chacun de nous, et je ne saurais mieux comparer qu'au respect dont on entoure, à l'accoutumée, ceux qui furent les acteurs d'événements formidables. Cependant, je ne tardais pas à l'apprendre de lui-même, il n'avait jamais rien perpétré que d'ordinaire, pas plus que nul de ses ancêtres. Leur nom, ajouta-t-il, ne venait pas de quelque vieille aventure fantastique et tirait sa consonance actuelle, tout bonnement, d'une corruption étymologique, l'aine d'Outremont s'étant muée en un R à force d'être mal prononcée par les habitants du marquisat. Cette confidence n'eut point le pouvoir d'affaiblir à ma vue le prestige de monsieur d'Outremort, et comme je n'éprouvais pas moins de vénération à son égard depuis que je savais le néant de ses jours accomplis, je pris l'habitude de le considérer à la façon d'un homme prédestiné, à qui la fortune réserve ses faveurs les plus éclatantes. Bonaparte à Brienne, si l'on veut. Or, en dépit de mes pressentiments, monsieur d'Outremort a vécu dans l'obscurité. Et je doute à présent s'il connaîtra la gloire, car ce mot ne saurait désigner l'espèce de réputation éphémère, affreuse et bizarre qu'il vient d'acquérir, et dont la cause, au demeurant, pourrait bien être celle de sa fin prochaine. Le plus curieux, c'est qu'il semble fort qu'il n'ait tenu qu'à lui d'être une illustration de ce siècle-ci. On va voir comment. Au sortir de l'école, tandis que mon goût me portait à l'inspection des finances, monsieur d'Outremort, pourvu de rente non chétive, entreprit des recherches privées dans le domaine de la physique. Dirigée plus spécialement vers l'électricité, elles donnèrent lieu à de remarquables découvertes. Au vrai, c'est, paraît-il, à monsieur d'Outremort que nous devons les principes de la télémécanique. Je ne suis point trop versé là-dedans, mais on s'est chargé de m'instruire. Il faut entendre par télémécanique la science de gouverner les machines à distance, sans fil, et par la seule entremise des ondes dites hertziennes qui sont dans l'espace. Si j'en crois les hommes compétents, il y avait là de quoi mener au comble la renommée de l'inventeur, pour peu qu'il suivît son invention et qu'il la manifestât plus réellement que par des formules. Pourquoi mon ami laissa-t-il à d'autres ingénieurs le soin d'utiliser sa trouvaille? Les torpilles mécaniques, que l'on fait évoluer à plusieurs kilomètres de soi, sont aujourd'hui d'un usage courant, m'a-t-on dit. Que n'est-ce, monsieur d'Outremort, qui les manigança? Et comment n'a-t-il pas même indiqué les autres utilisations pratiques de sa théorie, que l'on imagine aisément et fort nombreuses, tout profane que l'on est? Monsieur d'Outremort a toujours été fantasque. Extrême descendant d'une lignée qui sort de la nuit médiévale, 10 siècles de noblesse pèsent sur lui du poids de leur écrasante hérédité. 10 siècles de noblesse, c'est-à-dire, avouons-le, 1000 ans de vie affinée et raffinée, 1000 ans de tracas, de préoccupations, d'ardeur ambitieuse. Un millénaire de superbe, de passion et de débauche. Chaque génération d'outre-mer fut un pas de leur race vers ce que d'aucun homme perfection de l'être, et la plupart dégénérescence. Car vous ne sauriez parcourir la suite de leurs unions et noter parmi elles toutes une seule de ces bonnes mésalliances roturières qui, de loin en loin, renouvellent si à propos le sang trop vieux d'une maison. Point non plus de bâtards issus de maîtresses rustiques ou d'amants plébéens. Rien que des nobles sortis de nobles. C'est une grande calamité pour un lignage. Les Lacommandières se sont bien gardées d'un tel écueil où les Outremorts ont failli. Voilà pourquoi le marquis Savinien, mon camarade, hérita de ses aïeux une âme d'outrance et de sensibilité, où le génie parfois s'entache de berlu dans une équivoque troublante. Avec lui, l'arbre généalogique le plus altier des Vosges aboutit à un rameau précieux et morbide. Rinceau d'élite ou branche monstrueuse, l'intérêt qu'il provoque demeure ambigu. On balance s'il en faut admirer la rareté ou déplorer l'anomalie. Pourtant, nulle famille de France ne possède à si haut degré l'esprit de caste. Et il faut dire que ce sentiment-là fut entretenu chez elle par un état de choses assez peu banal et qui ne se voit guère autre part. Aussi loin qu'on remonte le cours de ces annales, on ne cesse de relever la trace d'un éternel désaccord entre les seigneurs du nom et leurs vassaux. L'histoire du fief n'est qu'une violente querelle de jacquerie et de répression, de rébellion et de châtiment, drame interminable, dont l'acte le moins tragique n'est pas ce qu'il advint, en 1793, de l'ambassadeur François-Joseph d'Outremort et de sa sœur, la chanoinesse, le trisaïeul et la grand-tante de Savinien. Trop hautains pour émigrer comme leurs fils et neveux Théophane, les deux vieillards, n'ayant pas quitté le château paternel, vaquaient l'un à ses gestions, l'autre à ses aumônes, parmi les atrocités de la révolution provinciale. Et terrible, plus terrible qu'en aucun lieu de la République, fut la terreur sur les biens d'outre-mort. Après tant d'émeutes, Jacques Bonhomme était passé maître S.A.R. Les croquants furent impitoyables. Ils étaient menés par un furieux patriote nommé Houlon, qui joua séant le rôle de carrier à Nantes. Sur son décret, les sans-culottes et les tricoteuses du pays s'emparèrent de l'ambassadeur et de la chanoinesse. 1000 dérisions leur étaient réservées. Pour finir, on les pendit à la lanterne d'un pignon sur la place du village, au pied du manoir. Un féal serviteur les décrocha nuitamment, leur donna la sépulture de tradition dans le château. Le consulat vit cet homme de bien restituer l'apanage au marquis Théophane, retour de Coblenz, où il y a chance qu'il y ait fréquenté Ludovic de Lacommandière, qui est à l'auteur de ces lignes ce que Théophane est à Saint-Vinien d'Outremort. Celui-ci, même adolescent, n'aurait pu vous conter tout cela sans amertume. Sa voix tremblait de colère au récit de l'exécution de l'ambassadeur et de la chanoinesse. La rêverie occupait de ses heures plus qu'il n'eût fallu, et dans sa rêverie, la déchéance des siens, l'hostilité de la canaille contre les châtelains successifs d'Outremort, tenait trop de place. Cette obsession, toutefois, lui resta secondaire un assez long temps. Et l'amour de la science l'emporta sur un tel souci, dans les pensées de M. d'Outremort, jusqu'au jour que son père, le marquis Fulbert, expira. Le marquis Fulbert. Il n'avait jamais été que louvetier, en tout et pour tout. Mais il le fut, passez-moi le tour, au maximum. J'évoque aisément sa dégaine de hobereau solide, frustre et bougon, toujours guêtré de cuir et de crotte, toujours sentant la poudre, la plume et le poil. Rien ne l'amusait que la chasse, et il y employait tous les instants qu'il ne remâchait pas son dégoût de la démocratie gouvernementale et son regret des rois. Ses gardes, choisis comme des pugilistes, se montraient durs aux maraudeurs. Ils en avaient l'ordre sous peine de renvoi. Leur maître passait sur les braconniers sa fureur d'aristocrate contre la canaille triomphante. Un soir, il y a 15 ans, le louvetier fut trouvé raide mort au coin d'un bois, le sein criblé de chevrotines. Je pris part à la cérémonie de ses obsèques. Nous le déposâmes non loin de l'ambassadeur et de la chanoinesse, au milieu d'une quantité d'ancêtres, dans la crypte qui s'arrondit sous la chapelle du manoir. Savinien supporta de travers ce nouveau coup du sort. Il mit tout en œuvre pour venger la mémoire de l'assassiné. Faute de preuves, cependant, voici les assassins lâchés, et mon ami de retourner à l'hypocondre. À dater de cette affaire, il se claque mûr dans Outremort, et jamais plus on ne l'en vit sortir. Il cesse dès lors toute participation active au mouvement scientifique, du moins, s'il continue de besogner, c'est à la dérobée, attendu que les académies ne reçoivent plus communication de ses travaux. Les uns le prétendent fini, d'autres l'accusent non d'oisiveté, mais simplement de mutisme, disant qu'il ne prive sa patrie du résultat de ses expériences qu'afin d'en frustrer le régime. On l'oublie peu à peu. Il avait épousé, vers 1884, si j'ai bonne mémoire, sa cousine d'Aspreval, qui mourut en couche l'année suivante. Leur fils, le comte Cyril, trépassa voici 3 ans. La dernière fois que j'entrepris le voyage d'Outremort, ce fut pour lui rendre les suprêmes devoirs, car c'est une chose digne de remarque et passablement sinistre, que mes relations avec le marquis ne soient jalonnées que de funérailles. C'était donc en 1908. Monsieur d'Outremort ne quittait pas plus son château que le pape le Vatican. Mais redoutant les excentriques, j'avais perdu le souci de sa rencontre. Il m'apparut alors dans toute la perfection de sa noirceur et de son étrangeté. Son masque raphaélique aurait bien servi de modèle à quelque cire figurative de la rancune. Que dis-je? Ne semblait-il pas cette cire elle-même? Il attribuait son récent malheur à l'insatiable scélératesse des campagnards. Et j'estime qu'il avait raison. Feu le jeune comte Cyril, sportsman aventureux, pratiquait l'automobile à grande vitesse. Nombre de poules et de barbets roués, plusieurs vilains frottés de trop près. Il n'en avait pas fallu davantage pour malfamer le véhicule cramoisi, qualifié double phaéton par nos carrossiers, sur lequel il brûlait le macadam de la République. Une nuit qu'il entrait au château, un fil de fer, tendu à la traverse, l'avait abordé sous le menton. Le fil s'était rompu, grâce à je ne sais quelle providence capricieuse, qui ne s'obstina point au-delà de cette rupture à la protection du blessé. Enfin, à la suite de l'échymose, les complications survinrent. Favorisé par l'humeur appauvrie de cette gente, qu'un intermariage venait encore de gâter, elles avaient anéanti l'espoir du blason. Tant de quartiers échéaient à ce pauvre terme, à ce piège oméga. Savinien restait seul, et, par une coïncidence frappante, la crypte n'avait plus de vide qu'un tombeau. Monsieur d'Outremort me retint devant son propre sarcophage, quand l'assistance eut remonté. Bon gré mal gré, j'entendis ses récriminations. Il s'excitait à mesure qu'il monologuait. La scène devint rapidement théâtrale. Nous étions au fond d'une vaste tour souterraine, humide et glaciale. La muraille se carrelait de sépulcres, et sous le pas de Savinien, les dalles funéraires sonnaient creux. Il allait et venait. Un soupirail, une grille, pratiqué au-dessus de nous dans le pavage du cœur de la chapelle, versait en ces lieux une pénombre grise, à peine un demi-jour de cave. La fumée de l'encensoir achevait de s'y perdre en écharpe onduleuse, telle une longue et vivante toile d'araignée. Son arôme ecclésiastique s'accordait admirablement avec l'odeur caverneuse et mortelle de l'impasse. Les doléances du marquis s'élevaient sourdement, l'air de la tombe étant un milieu de silence, et sourdement résonnait le nom des morts qui haranguaient un par un. J'apercevais, circulant autour de la rotonde parmi la ténèbre imparfaite, désignant les épitaphes dans l'ordre des décès, prenant les chevaliers, les menins, les connétables, les écuyers et les maîtres de camp, les chambellans, les dames d'Atours, les maréchaux, l'ambassadeur, la chanoinesse, le louvetier et le comte Cyril à témoin de son infortune, et jurant à leur manne qu'il les revancherait sur son salut éternel. Moi, cependant, je croyais les voir, tous ces trépassés environnants, couché dans l'armure ou l'uniforme, l'habit de cour ou le manteau du Saint-Esprit. À cette apparition, je sentais un malaise m'envahir. L'humidité me transperçait plus avant et me glaçait d'un froid nouveau. Je tâchais de calmer au plus vite l'emportement du marquis. Son exubérance tombée, une stupeur l'accablait. Nous quittâmes enfin la crypte, et le soir même je m'étais esquivé, gardant de monsieur d'Outremort la plus pénible impression. L'épisode tombal, auquel je venais d'assister, se renouvela maintes fois dans la solitude. J'ai su, en effet, que monsieur d'Outremort partageait sa vie entre la crypte et l'atelier. Le cœur plein de ressentiment et l'âme remplie de science, il passait, disait-on, de l'un à l'autre, méditant par-ci, travaillant par-là, sans que personne pénétrât l'objet de ses extases, ni le but de ses études. Il passait de l'un à l'autre, comme un regret invincible à une espérance sans joie. Et le manoir ancestral, où sa race allait s'éteindre avec lui, n'avait jamais été si lugubre. Et pourtant, ce fut un triste logis que celui-là. Les Outremort du XIe siècle l'ont bâti sur un mont, centre de leur mouvance. Imaginez, au cœur d'une sombre forêt, un sombre rocher colossal, dont la cime serait taillée en forteresse, voilà le château d'Outremort au sommet de son assise. Ce morne qui s'achève en architecture, ce basalte sommé d'une foison de tourelles pointues, cela faisait rêver de stalagmites cyclopéennes. Enténébrées, féodales et gigantesques, élégiaques et romantiques, avec je ne sais quoi de fabuleux, rénant, pour tout dire d'un mot, on croirait une imagination de Gustave Doré pour situer le plus angoissant des contes de Perrault. Ou mieux peut-être, l'original d'un de ces croquis effarants que Victor Hugo traçait à l'encre, au café et à la suie, selon sa fantaisie redoutable, et qu'il eût appelé Épenef ou Corbus. Si l'extérieur de ce burgue vosgien semble géologique, l'intérieur en est monacal. Des galeries soutenues d'arceaux y font communiquer entre elles des chambres voûtées et des cours pareilles à des cloîtres. Nul décor mieux approprié aux marches pensives d'un solitaire chargé de savoir et de mélancolie. Décor des garpeaux hanté par une création d'Hoffmann, château Huchère. Monsieur d'Outremort m'y convia fréquemment du vivant de notre jeunesse, le marquis Fulbert étant là qui chassait. Je n'aimais pas m'y rendre, et j'en sortais à tout coup avec soulagement, comme si j'échappais à un grand malheur. La proximité de cette foule défunte répandait par l'édifice une atmosphère de gêne et d'inquiétude. À mes yeux, la crypte se prolongeait dans toute la citadelle. Ses relents d'églises et de catacombes montaient, pour mes narines, jusqu'au grenier. Je déclinais, sans aucun autre motif, plus d'une invitation à courir le cerf en forêt d'Outremort, et j'ai toujours évité de coucher dans cette demeure, qui n'a point de lit où quelqu'un ne soit mort. Ainsi je me souviens du burg. Ainsi je me rappelle le burg grave, étonnant, qui mena au XXe siècle une existence anachronique de grands seigneurs alchimistes, romane et moderne, romanesque et laborieuse, comme légendaire. J'ai fait allusion ci-dessus au village qui se trouve à côté du château, Bourseuil. Présentement chef-lieu de canton, il fut naguère très humble à Meaux, terrassé par le voisinage énorme d'Outremort. C'est qu'il n'a cessé de croître à partir du XVIIe siècle, à la barbe des châtelains, qui ne voyaient pas sans irritation toute la rancœur de la contrée se centraliser sous leurs murs. Il n'y pouvait mais. Bourseuil prospéra. Ses principaux luttèrent contre la suzeraineté que l'on baptisa tyrannie. Dans cette bourgade ultra-républicaine, le sanguinaire Houlon établit son quartier général et fit jouer la guillotine du district après la pendaison de l'ambassadeur et de la chanoinesse. Ayant relaté ce qu'on vient de dire, je laisse à penser l'état de monsieur d'Outremort quand il apprit dernièrement qu'une statue à l'effigie de Houlon serait élevée sur la place même de Bourseuil. On l'apercevait du château. La souscription publique était ouverte. De cet instant, il paraît que monsieur d'Outremort, que je n'ai plus revu, alla jusqu'à dépasser cette perfection de lui-même, ce superlatif de la personnalité dont j'ai déjà touché deux mots. Il s'abîma dans le labeur et la contemplation. Néanmoins, ses domestiques observèrent que maintenant, de la crypte de l'atelier, celui-ci l'attirait davantage. Il l'agrandit de toute une immense remise de voiture, où deux chaises de poste et un tilbury côtoyaient le break du louvetier Fulbert et l'automobile rouge du comte Cyril. À toute heure, on entendait venir de là des bruits de lime et d'enclume. C'était monsieur le marquis faisant le serrurier et le forgeron pour user sa peine et marteler son cœur. Ce qu'il fabriquait n'avait pas d'importance, en vérité. Il s'exténuait pour s'exténuer, sans autre dessein, lui, ce savant, le père de la télémécanique. Alors il fut visible que monsieur d'Outremort avait réussi à tuer son âme trop douloureuse. Car songez qu'il devint joyeux, et qu'on l'entendait rire la nuit dans la remise, parmi les rapages et les tintements. Ces gens l'aimaient pour son indulgence magnifique. Il redoutait une issue fatale occasionnée par l'inauguration de la statue, qui devait avoir lieu le 14 juillet, quantième aujourd'hui national. Monsieur d'Outremort, de ses fenêtres, vit sans doute jucher au piédestal le démagogue de pierre, en carmagnole, coiffé d'un bonnet que l'on sentait rouge malgré sa couleur blanche, si tant est que j'ose décrire cette phrase de sottisier. Houlon était représenté dans une attitude de bravade. Ses yeux défrontés toisaient le château. Il personnifiait au mieux le rustre vainqueur. La surveille de la fête, monsieur d'Outremort lorgna le simulacre à l'aide d'une jumelle et sourit. Cela est certifié par son valet de chambre, Nazaire, un antique bonhomme tout dévoué, qui assure que son maître ne fut jamais plus souriant que les 11, 12, 13 et 14 juillet 1911. Il en conclut que le marquis Savinien faisait contre mauvaise fortune bon cœur, et que la démence est parfois un bienfait. Fort de cette opinion, et monsieur d'Outremort lui ayant prescrit de s'en aller mêler au peuple avec les autres valets afin d'entendre et de lui rapporter les propos de la tourbe, Nazaire descendit à Bourseuil vers 1 heure après-midi, la cérémonie étant fixée à 2 heures. Toute la livrée l'accompagnait. Le village était furieusement surpeuplé. D'après la statistique, une affluence de 5000 personnes se pressait dans cette commune de 900 âmes. Ceci prouve clairement l'importance qu'on attachait, dans les parages, à cette démonstration libertaire et donne la mesure du civisme ardent qui anime encore les ci-devant tenanciers du marquisat. En dépit d'une chaleur torride, tout ce monde-là bourrait la place autour de la statue recouverte d'un linge à peu près immaculé. Une légère tribune sortait de la foule comme un ponton d'un étang tourmenté. 4 oriflammes pendaient à 4 mâts, des drapeaux pavoisaient les fenêtres garnies de spectateurs, les lanternes vénitiennes entrecroisaient déjà leurs guirlandes pour le bal de la soirée. Et l'animation se continuait tout au long de la grande rue, au bout de quoi le château d'Outremort massait l'image taciturne de cette Bastille dont la prise allait être commémorée. Du fin fond de ses profondeurs retranchées, monsieur d'Outremort distingua forcément la Marseillaise qui ouvrit la solennité. Houlon, dévoilé, parut aux applaudissements de tous. Un député de l'extrême gauche prit la parole. Son discours, au lieu de socialiste, fut jacobin. Natif de Bourseuil, il était au fait des redondances qu'il fallait déclamer pour émouvoir ses concitoyens. L'unifié se livra vis-à-vis d'Outremort à des allusions faciles et sans pitié. On l'écoutait dévotement, l'auditoire contenait sa jubilation, plusieurs manants louchaient vers le château d'un air de mauvaise allégresse. Ils virent aussi, à la croisée d'une poivrière, quelqu'un dont ils ne s'inquiétèrent d'aucune sorte, ne sachant pas dans la distance qui était ce curieux-là. Nazaire, lui, ne pouvait s'y tromper. Tandis que ses pères s'occupaient à boire dans une salle d'auberge, il obéissait scrupuleusement aux instructions qu'il avait reçues et se tenait tout oreille en face du tribun. Dès qu'il eut remarqué la présence de monsieur d'Outremort à l'ouverture de la poivrière, il n'en conçut rien de bon et prit le chemin du retour. Se faufilant parmi la populace de la Grand-Rue, avec des regards sourcilleux à l'adresse du château, il s'aperçut tout d'un coup d'une chose qui le fit blêmir. Le pont levé était abaissé, la herse relevée et les portes béantes. Nazaire se hâta, saisi d'un trouble indéfinissable. Cependant, M. d'Outremort n'avait pas quitté son poste, et c'était rassurant. Même, il ne paraissait pas s'intéresser au spectacle lointain de la célébration rurale, puisque, de plus près, il avait l'air de manipuler des objets. Oui, c'était rassurant. Quoi qu'il en fût, aussitôt dégagé de la presse, l'honnête chambrier se mit à courir. Il s'arrêta soudain et fit un cri perçant que l'on entendit jusque sur la place, à la faveur du silence attentif engendré par le discours. 5000 têtes se tournèrent du côté d'Outremort. On n'avisait aucun motif de frayeur. Toute chose offrait l'apparence la plus paisible. Une automobile sortie du château filait sur la corniche inclinée dont la rampe aux trois zigzags mène au pont-levis d'Outremort à l'entrée de Bourseuil. Quatre voyageurs s'y groupaient. Un lacet de poussière s'allongeait derrière elle. Y avait-il là de quoi pousser le moindre cri? Non, pensait la plupart. Oui, songèrent les Bourseillois, quand ils reconnurent, à sa couleur rouge, le double phaéton de qui la vitesse les avait révoltés 3 années auparavant. Il fallait voir un défi de M. d'Outremort dans le remploi de cet engin qu'ils avaient condamné. Cela leur gâtait le plaisir. Pourtant, que la voiture arrogante vînt à eux un jour comme celui-là, ils se refusaient à l'admettre. Au bas de la côte, elle tournerait, enfilerait la route départementale et disparaîtrait avec les 4 laquais chargés d'exécuter cette misérable protestation. Le sénateur Colin Bernard, président, se leva pour ramener l'attention vers la statue au moyen d'une tirade. Mais tous les yeux suivaient la descente de cette injure automobile, et le houlon de pierre faisait mine de la suivre aussi. Elle arrivait au terme de la déclinaison rocheuse. À ce moment, le soleil fit miroiter à ses flancs des lueurs, des reflets insolites. M. d'Outremort, toujours méconnu, la surveillait du haut de la poivrière. Elle ne vira pas au tournant de la route ainsi qu'on l'avait présumé, et s'engagea sur la chaussée qui se transforme en grand-rue. Elle arrivait donc à Bourseuil, et rondement. Peut-être que c'était le marquis lui-même, avec des partisans, qui venaient narguer le prolétaire. Quels aristos impertinents allaient descendre de la machine! Une trombe poudreuse approchait. La foule se dissimulait à elle-même la venue des 4 voyageurs. On s'étonna d'une marche aussi muette. Le moteur autrefois crépitait. On s'étonna d'une course aussi rapide, autrefois. Mais, ah, tout s'éclaira dans les cerveaux, avec brusquerie. L'automobile chargeait la multitude. Il y eut un mouvement convulsif de la grand-rue, le tassement prompt de l'assemblée de ci, de là, pour former la haie. En un clin d'œil, un chemin creux s'ouvrit à travers la matière humaine comprimée. Quoi qu'elle en eût, elle faisait passage au train seigneurial, comme au temps jadis, où les carrosses retentissants cahotaient sur le pavé du roi. « Gare, gare, place, rangez-vous !» L'automobile s'engouffra dans l'espace vide. Un météore, et pas un coup de trompe, pas un appel avertisseur du pilote, pas un geste des 4 individus à lunettes et caparaçonnés de manteaux qui gardaient un calme effroyable. Le bolide effleura la cohue de droite, puis d'une embardée celle de gauche, puis se rejeta sur la droite, ainsi de suite. Et d'atroces clameurs accompagnaient chaque sinuosité de la voiture, et les hommes s'abattaient à la file en épi, parce qu'elle les fauchait avec de larges faux disposés à la hauteur du jarret, comme celle des chars militaires de l'Antiquité. L'éclair d'une seconde lancée en express, elle parcourut ainsi la longueur du fossé de chair, titubant d'une rive à l'autre, et laissant après elle une horrible boucherie. Le sang coulait dans les ruisseaux comme l'eau quand il pleut. Ce faisant, elle atteignit la place comble, et là, plutôt que de suivre l'allée qu'on lui ménageait en ligne droite, elle obliqua tout à l'improviste et s'enfonça dans le plein des assistants. Or, telle était sa vitesse acquise et sa force, qu'elle fournit comme un fier trajet avant de s'arrêter. Son allure imitait le bourlingage d'une chaloupe basculée sur un flot houleux. Elle montait pour replonger, tanguait et roulait, Des chocs mous battaient le capot, les pneus faisaient jaillir d'écarlates éclaboussures. Elle avançait dans de la souffrance qui hurlait. Terrifiante moissonneuse d'un champ d'humanité, elle y forait une trouée abominable. La tuerie dépassa tous les carnages dont ceux qui étaient là pouvaient se souvenir. Mais surtout, jamais massacre plus affolant ne fut commis par des meurtriers aussi froids. Un conducteur impassible dirigeait l'hécatombe. Par un subtil raffinement, son costume était celui du comte Cyril d'Outremort, que les paysans avaient fait passer de vie à trépas. On connut le détail. L'épouvante grandit. Chacun s'enfuyait, sauf qui peut. La déroute éparpillait la foule en tous sens. Cependant, un grand nombre de badauds s'étaient repliés dans une encoignure de la place où ne débouchait qu'une impasse. Et le danger les y acculait. Il y avait, à cet endroit, une agglomération indescriptible d'êtres éperdus qui se piétinaient, s'escaladaient l'un l'autre et s'étouffaient. L'automobile pointa sur eux. Monstre à demi brisé, couvert de souillures innommables, un dernier effort la précipita au sein de la panique massive. Elle la traversa de part en part et vint se fracasser sur le butoir pantelant que faisaient ses victimes écrasées contre le mur. Morte, la bête. Les quatre bourreaux gisaient au travers de ses débris. Sur le champ, de féroces gaillards, sous de haine, accoururent pour les achever. L'un d'eux, mécanicien de son état, vit le moteur sous un amas de ferraille et s'étonna de n'y point retrouver la silhouette quadruple des cylindres. Une grosse dynamo remplaçait leur bloc familier. Mais ce vengeur avait mieux à faire que de s'attarder à l'examen d'un système électrique. Ses acolytes empoignaient déjà le chauffeur criminel. On le saisit, on arracha les lunettes qui voilaient sa face de bandit. Et ce fut à qui le lâcherait le premier. Car c'était la mort en personne qui avait piloté la voiture à faux. Je vous le dis, c'était un épouvantable squelette ricanant, à moitié charnu de lambeaux verdâtres. En même temps apparaissaient, dévêtus de leur cache-poussière, trois autres squelettes plus anciens. L'un harnaché d'une tenue de vénerie aux boutons du marquis Fulbert, le second en habit de soie et culotte courte, l'épée en verrouille, le troisième avec une robe à panier rehaussée d'un cordon bleu. Alors on accepta que le comte Cyril, venu d'Outremort, eût mené à la revanche le louvetier, l'ambassadeur et la chanoinesse. Tous les yeux, encore d'un coup, regardèrent le château macabre d'où s'échappaient les décédés. La plupart étaient des yeux à jamais fixes et hagards. Beaucoup s'attendaient aux visions de Josaphat. Mais le château ne bronchait pas, et quelqu'un fermait tranquillement la croisée d'une poivrière.